France Inter. Dans le tumulte de la Révolution française. L'épisode 3 commence en 1789, quand un jeune avocat va devenir une des plumes les plus douées du combat républicain. Camille Desmoulins, une des figures les plus brillantes et les plus attachantes de la Révolution française. C'est sans doute en 1789 que ce jeune avocat roturier, sans emploi et poète, bègue de surcroît, s'est révélé à lui-même. Les états généraux, le tiers-état qui se proclame Assemblée nationale, bientôt la prise de la Bastille, l'abolition des privilèges, la déclaration des droits de l'homme. Comment résister à cette fièvre ? Après son coup d'éclat le 12 juillet au Palais Royal, où, oubliant son bégaiement, il appelle le peuple à prendre les armes, rien n'arrêtera plus Camille Desmoulins. Desmoulins, c'est une voix, celle de l'homme politique, fervent républicain. C'est aussi une plume, celle du journaliste, symbole encore aujourd'hui de la liberté d'expression. Lui qui, jusqu'à la veille d'être guillotiné, défendra son idéal démocratique. « J'avais rêvé une république que tout le monde eût adorée ». Mais la modernité de Camille Desmoulins, c'est aussi celle du couple qu'il forme avec Lucille, son épouse. Deux êtres unis par l'amour, mais aussi par leur aspiration commune à la liberté, l'égalité et la République, qui tous deux paieront le prix fort pour cet engagement. France Inter, Stéphanie Duncan, autant en emporte l'histoire. Hervé Le Weers, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, professeur à l'Université de Lille, spécialiste de la Révolution, l'auteur d'une biographie récente, donc consacrée à Camille et à Lucille Desmoulins. Quand on pense à la Révolution, on a en tête des sans-culottes en marche, on a pas mal de femmes aussi, notamment grâce au film de Pierre Chaleur, Un peuple et son roi. On pense aussi à des discours enflammés à la Convention, mais la Révolution aussi, vous le dites, c'est fabriqué dans l'intimité d'un couple, c'est possible. Ça. Oui, et on dans la arrive. Discussion, oui, ouais. Tout à fait. Et on arrive à approcher cela, notamment par l'intermédiaire du journal de Lucille Desmoulins, puisque son mari est un journaliste engagé, puis deviendra un député à la Convention nationale. Elle participe aux discussions dans le sein de son foyer, mais également auprès d'amis, puisque ce couple est ami notamment de Danton. Et dans son journal, à plusieurs reprises, elle emploie par exemple le nous et non pas le je. Pour évoquer une décision politique, lorsque le roi, par exemple, est condamné définitivement à mort, lorsque le sursis est écarté, en janvier 1793, elle note dans son journal « Enfin, nous l'emportons ». Ouais. Et Camille Desmoulins, qui est-il exactement? Quel est son avenir, d'ailleurs, possible dans une société d'ancien régime? Camille Desmoulins, à l'été 1789, est un jeune avocat. Il exerce la profession depuis 4 ans environ. Un jeune avocat qui se passionne pour la littérature et qui hésite en fait entre deux carrières, la carrière du barreau et la carrière littéraire. Et 1789 lui donne l'occasion finalement d'aborder une nouvelle carrière, une carrière politique. Il va publier son premier pamphlet à la fin de l'année 1788 et il va continuer et se faire un nom à l'été 1789, par la publication de plusieurs brochures. Donc un jeune homme qui saisit en quelque sorte la Révolution comme un moyen de s'engager politiquement, mais aussi peut-être de trouver une voie moyenne entre ces deux ambitions de départ, le droit et la littérature, en abordant d'une manière littéraire le choix de la politique. Et ses idées politiques, elles sont inspirées aussi de ses choix littéraires, parce que c'est un amoureux de l'Antiquité. Voilà, il a énormément lu les auteurs antiques, comme tous ceux qui ont fréquenté les collèges de l'Ancien Régime. Il s'en est inspiré, il est notamment nourri de Cicéron. Et en 1789, il est l'un des rares à exprimer des convictions républicaines au sens où nous les entendons encore en partie aujourd'hui. Je veux dire par là qu'il ne se satisfait pas d'idées républicaines, il veut une république en France et une république sans le roi, c'est-à-dire une république différente de celle que l'on imagine parfois au XVIIIe que Robespierre imagine en 89 avec, à la tête de l'État, un roi qui détiendrait l'exécutif, mais des principes républicains qui fonderaient le pays. Lui imagine une république sans roi. Et Lucile, qui est-elle à ce moment-là? Une jeune fille de la bourgeoisie? Une jeune fille de la bourgeoisie qui a une dizaine d'années de moins que Camille Desmoulins, qui partage sa vie entre Paris et une maison de campagne à Bourg-la-Reine, qui connaît déjà ce jeune avocat depuis pas mal d'années. Le jeune avocat lui fait la cour depuis déjà quelques années. Il avait des vues d'abord sur sa mère, hein, faut le voilà, raconter. Il s'est d'abord pris d'un amour qu'il qualifie de platonique pour la mère, et ensuite il s'est intéressé à la fille aînée, a demandé sa main sans succès en 1787, et il demandera à nouveau sa main en 1791, et là avec le succès que l'on sait. Hervé Loewers, l'histoire que je vais raconter dans un instant commence en juillet 1789, on est juste avant la prise de la Bastille, mais on est déjà dans un climat révolutionnaire. Vous pouvez nous rappeler ce contexte ? Depuis le mois de mai de cette année 1789, à Versailles, les États généraux sont réunis. Mais cette assemblée qui, au départ, devait répondre à toute une série de demandes du roi et réformer le pays, aider le roi à réformer le pays, a totalement échappé au prince. À partir du mois de juin, les États généraux sont devenus une assemblée nationale et ils ont prétendu représenter la nation. Ils ont également décidé d'établir de leur propre autorité une constitution en France, et ça, Louis XVI ne veut pas l'accepter. Si bien qu'au début du mois de juillet, la tension est particulièrement vive, c'est un mélange de peur et d'espoir qui envahit Paris, et lorsque le roi, le 12 juillet, remercie Necker, son principal ministre, qui avait la confiance de la population parisienne, à partir de ce moment-là, c'est l'explosion, et le 12 juillet, on sent les émeutes monter dans Paris, on est à la veille d'un événement majeur. Hervé Loewers, nous poursuivrons cette discussion tout à l'heure, si vous le voulez bien, tout de suite. Camille et Lucile Desmoulins, un couple dans la Révolution, un texte de Vincent Hazard, écrit spécialement pour Autant n'importe l'histoire, réalisation Cédric Ossire. Paris est en ébullition. Le roi a renvoyé Necker. Il a placé des troupes autour de la ville. Personne ne sait ce qu'il va faire. Quel contraste avec l'ambiance ici. Mes parents pensent m'avoir mise à l'abri dans notre maison de Bourg-la-Reine, mais dans ma tête, tout bouillonne. Ton nom résonne. Camille Desmoulins. M'as-tu oublié? Je n'ai aucune nouvelle depuis des semaines. On me donne une chaise. Citoyens! Vous savez que la jeune Assemblée nationale avait expressément demandé le maintien de Necker. Eh bien, il a été chassé hier. Après ce coup, ils vont tout oser. On aura droit à quoi cette nuit? Qui sait? Une Saint-Barthélemy pour les patriotes? Il n'y a qu'une seule réponse à cette provocation. Aux armes, citoyens! Aux armes! Prenons tous un ruban vert, vert comme cet arbre, la couleur de l'espérance, et surtout pour se reconnaître, car je vois ici aussi des agents de la police royale. Ils nous observent. Eh bien, regardez-moi. Oui, c'est moi. C'est moi qui appelle mes frères à la liberté. Vous ne me prendrez pas vivant, pas sans combattre. J'ai ce pistolet. Mais il nous en faut 10 000, 100 000 pour défendre la liberté. Suivez-moi, citoyens. Nous savons où les trouver. 12 juillet 1789, à Paris, au jardin du Palais Royal, Camille Desmoulins exhorte la foule à prendre les armes. Depuis fin juin, face à la révolte qui gronde, le roi tente de reprendre la main. Le renvoi de Necker, ministre des Finances, est perçu comme un signe de durcissement du régime. La révolution naissante est menacée. Les Parisiens saisissent des armes dans les casernes. Le 14 juillet, la foule converge vers la Bastille et la met à sac pour y saisir des stocks de poudre. Le roi cède. Il renvoie les soldats dans leurs casernes et réintègre Necker. Le 4 août, les privilèges et les droits féodaux sont abolis et la Déclaration des droits de l'homme est proclamée le 26 août. Avant l'été, Camille Desmoulins n'était encore qu'un jeune avocat provincial sans soutien. Mais après ce coup d'éclat, il s'apprête à entrer dans l'histoire. 2 mois sans nouvelles, et le voici qui reparaît chez mes parents pour me voir. Il semblerait donc finalement qu'il ne m'ait pas oublié. Mourir que de renoncer. Il y a eu un silence, puis un tonnerre d'applaudissements. Et après mon discours, la foule m'a suivi. Et quand on est arrivé devant l'hôpital militaire, devant le nombre, ils ont cédé et ils nous ont donné leurs armes. Mais le lendemain, malheureusement, je suis arrivé trop tard pour la prise de la Bastille. Je dirais plutôt heureusement. En tout cas, le roi a compris qu'il ne fallait pas entraver la voie de la liberté. On est en train de gagner, Lucille. C'est merveilleux, Camille. Prochaine étape, l'instauration d'une république en France. Ne dites pas de telles choses ici. J'en conviens, c'est un discours inapproprié chez l'ancien premier commis du contrôle général des finances du roi. D'autant qu'il vous a invité plusieurs fois à sa table. Vous avez raison, je suis un ingrat. Non, mais j'ambitionne juste qu'il me considère un peu plus. Croyez bien pourtant qu'il vous apprécie. Oui, bien sûr, mais j'aimerais qu'il me fasse réellement confiance. Je suis contente de pouvoir passer du temps en votre compagnie, Lucille. Et j'aimerais qu'il me laisse en passer plus. J'ai beaucoup pensé à vous pendant les événements. Vous savez, je vais lancer un journal qui me permettra de faire entendre ma voix, mais c'est aussi un moyen de gagner ma vie. Un libraire est intéressé, il me propose une belle somme, 120 livres pour un numéro par semaine et le double si on dépasse les 3000 souscriptions. Cet argent me permettrait de m'installer et puis peut-être que... C'est une formidable nouvelle pour vous, Camille. Camille n'a pas peur devant une foule d'inconnus, mais devant moi, il retrouve son petit bégaiement. Je l'impressionne encore, c'est attendrissant et flatteur aussi. La fin de l'année 1789 voit la famille royale quitter Versailles pour Paris afin de se rapprocher de son peuple. Mais le pouvoir du roi est déjà bien amputé, la France est devenue une monarchie constitutionnelle. En novembre, Camille Desmoulins lance son journal « Les révolutions de France et de Brabant », aux idées républicaines et au ton pamphlétaire. En 1790, ses diatribes lui valent plusieurs procès, mais Desmoulins séduit les masses par son esprit, son style clair et original. Jusqu'à Claude-Étienne Laridon Duplessis, le père de Lucille, qui accepte enfin de lui donner sa fille en mariage. La cérémonie est célébrée religieusement à l'église Saint-Sulpice, le 29 décembre 1790, en petit comité. Et alors, Camille ? Tu t'es fait passer pour le parfait calotin devant monsieur l'abbé. Danton ! Félicitations. Madame, vous êtes magnifique. Merci. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai rien dit. Je venais pour épouser Lucille. J'allais pas provoquer ce bon abbé Bérardier. Bérardier était notre proviseur à Louis-le-Grand. C'est un réformiste. Dans la mesure où sa condition d'abbé le lui permet. Ah, Maximilien, merci à toi aussi d'être venu. Je vois bien cela, mon brillant camarade. Bérardier m'a fait rire. Il n'apprécie pas que Camille cautionne la nouvelle constitution civile du clergé. Ah. Il a fait la leçon comme au temps du collège. C'est de bonne guerre. Ah. Prenez place, on va servir. Danton, Robespierre, je suis honoré de la présence de tant de grands hommes à mon mariage. Et de dames d'exception, madame. Vous n'avez encore rien dit ? Je manque à tous mes devoirs. Je ne vous ai pas présenté Gabrielle, ma charmante femme. Lucille, vous êtes ravissante. Toutes mes félicitations. Et la cérémonie était très réussie. Maximilien, prends place. Et c'est la table d'honneur. Mon père est trop souffrant pour venir. Tu seras en face de Danton. Et moi, je prends la place de la belle-mère. Vous êtes tous un peu ma famille. Quel dommage que les parents de Camille n'aient pu venir. Il en a profité pour impressionner mes parents en invitant ses amis politiques les plus prestigieux, des membres du gouvernement, le comte de Mirabeau, le ministre de la Justice du port du Tertre et ses amis de la jeune garde réformiste comme Danton et Robespierre. Camille est heureux ainsi. Il ne vit que pour la politique. L'année 1791 est un tournant dans la Révolution. Le 20 juin, le roi est arrêté à Varennes alors qu'il tente de quitter la France. Il est ramené à Paris, mais il conserve ses prérogatives. Le 17 juillet, une foule se rassemble pacifiquement au Champ de Mars pour réclamer sa destitution, mais les gardes nationaux ouvrent le feu. Malgré ce drame, la détermination des républicains, Danton, Desmoulins et Robespierre, reste entière. Il milite aussi pour empêcher la déclaration de guerre à Léopold II, empereur d'Autriche, le frère de Marie-Antoinette. Une guerre voulue aussi bien par certains républicains, résolus à en découdre, que par les royalistes, convaincus qu'une victoire française est impossible. C'est une folie de vouloir la guerre. Toute l'Europe des rois va se liguer contre nous et la révolution sera condamnée. C'est un drôle de siècle pour mettre au monde un enfant. Tu n'es pas trop nerveuse ? Non. Mais quand je vois ton ventre, je prends un peu peur. Non, rassure-toi, tu ne seras pas aussi grosse. Pour le premier, c'est toujours moins saillant. Là, je dois avouer que les dernières semaines sont éprouvantes. J'ai tellement de mal à me mouvoir. Tonton ne peut pas passer un peu plus de temps auprès de toi ? Georges ? Non. Il est toujours occupé. Nous partageons nos hommes avec la Révolution. Si seulement ce n'était qu'avec la Révolution. Que veux-tu dire ? Tu sais bien. Nos maris sont des hommes en vue, ils sont sollicités. Et on sait tous que Georges a ses faiblesses. Mais tant qu'il me traite bien, je préfère ne point savoir. Comment Gabrielle peut-elle accepter cette situation ? Moi qui m'étais jurée de ne jamais me laisser séduire, j'ai choisi Camille, le héros romantique. Et je l'ai choisi lui, parce qu'en amour comme en amitié, Camille est d'une fidélité indéfectible. Le 2 février 1792 naît François-Georges Danton. Le 6 juillet, Lucile Desmoulins met au monde le petit Horace. Un mois plus tard, le 10 août, des insurgés envahissent le palais des Tuileries pour déposer le roi. Danton et Desmoulins prennent part au soulèvement et laissent Gabrielle et Lucile cloîtrés à la maison avec les nouveau-nés. Au petit matin, le roi et sa famille sont arrêtés. C'est la fin de la monarchie. Le 12 août, Danton devient ministre de la Justice et nomme Camille Desmoulins son secrétaire général. Sur le nouvel échiquier politique, ils incarnent avec Robespierre la minorité des républicains radicaux, connus sous le nom de Montagnards, qui s'opposent aux modérés, appelés les Girondins. Entre deux séances, les députés de la Convention nationale poursuivent leurs discussions dans les couloirs. J'ai demandé la parole après la pause, je peux lancer le débat sur le procès du roi. Non. Tant que les Girondins n'en veulent pas, nous serons en minorité. Pourtant, ces crimes sont évidents. Je suis d'accord, mais il faut manœuvrer. Quelle solution proposes-tu ? Attendre le bon moment, pour éviter le débat et imposer nos idées. Tu veux prendre le pouvoir par la force ? Pas forcément. Et pourquoi pas ? Le peuple et les moutons qui le représentent ne sont pas toujours détenteurs de la vérité. Une minorité peut imposer sa loi, si elle représente la raison et la justice. Mais Maximilien, nous nous battons pour la démocratie. On ne peut pas juger Louis Capet arbitrairement. Il faut un procès. Les pays voisins vont se liguer contre nous. Ils nous attaqueront tôt ou tard. Ne sois pas si naïf, Camille. Que veux-tu dire ? Danton a été acheté par les Anglais. Danton ? Mais comment oses-tu dire une chose pareille ? Ouvre les yeux. Ses maîtresses, ses domestiques lui coûtent cher. Mais une pâte à vide d'asset, mais ça fait pas de lui un corrompu. Comme Mirabeau en son temps, sa vraie nature sera exposée publiquement, tu verras. S'il a été envoyé en Belgique pour une mission, c'est pour l'éloigner. Le temps d'oublier le scandale de ses dépenses au ministère. Allons-y, la séance reprend. Il ne sera pas rentré pour l'accouchement. J'en ai bien peur, mais cette fois-ci, ce sera pas de son chef. Pauvre Gabriel. Je vais lui dire qu'elle peut compter sur nous. Bien sûr. On pourrait l'inviter à fêter Noël avec nous. Elle ne pourra sûrement pas se déplacer en province. Et puis nous pourrions songer à donner un petit frère ou une petite sœur à Horace. C'est pas une bonne idée, pas en ce moment. Pourquoi pas ? Tes idées sont au pouvoir. C'est pas vrai, la France est exsangue, la monnaie ne vaut plus rien, et puis Danton, hier ministre, est aujourd'hui soupçonné de corruption. Danton ? Et qui sait ce qui peut arriver demain ? Tu n'es pas Danton. Mais élever des enfants coûte cher, nos revenus ne sont pas si élevés, c'est sûrement pour cela que Danton s'est fourvoyé. Tu le crois coupable ? Je sais pas, je voudrais lui faire confiance. Ne t'aveugle pas. Je sais que tu l'aimes pas. Mais tu n'es pas Danton. Tu as ta vertu, et nous avons des biens, ma dot nous met à l'abri. Quel genre d'homme je suis à me faire entretenir par mon épouse. Cela donne crédit aux ragots qui disent que j'ai épousé une dot. Laisse parler les médisants. Danton parti en Belgique, Robespierre assoit son autorité sur le groupe des Montagnards. Le 10 décembre 1792 débute le procès du roi. La découverte de documents prouvant sa trahison scelle son destin. 380 députés de l'Assemblée sur 721 votent la mort sans sursis. Louis XVI est envoyé à l'échafaud. Nous acceptons maintenant le triste personnage au club des Jacobins. T'as entendu parler de Hébert ? Le journaliste du Père Duchesne ? Le journaliste, c'est un bien grand mot. Il est vulgaire, je n'aime pas son style. Vulgaire et tartuffe, je dirais. Il se rêve en grand inquisiteur, mais je le connais du temps où il était vestiaire au théâtre des variétés. Crois-moi, pour obtenir un pourboire, il était bien moins virulent envers les nobles. Comment est-il entré aux Jacobins ? Mais son journal est populaire, alors Robespierre a soutenu son entrée. Alors, s'il a la bénédiction de Maximilien. Camille ? Camille ? Oui ? Je vais voir Gabriel. Son accouchement a commencé, j'y vais vite. D'après Louise, l'enfant se présente mal. Ces gens ont fait guérir le médecin. Les Danton n'habitent qu'à quelques rues d'ici, mais quand nous sommes arrivés, il était déjà trop tard. L'enfant était mort en emportant Gabriel. En l'absence de Danton, il a fallu réconforter les deux enfants et s'organiser avec Louise, la nourrice. Heureusement, cette petite a la tête sur les épaules. Quand je suis rentrée, j'ai appris la nouvelle à Camille. Il a éclaté en sanglots. Moi, j'ai pris notre petit Horace dans son lit pour le serrer bien fort contre moi. Ce n'est qu'à la mi-février 1793, plusieurs jours après le décès, que Danton apprend la nouvelle et rentre à Paris. Il se précipite au cimetière pour faire déterrer le corps de sa femme. En larmes, il la serre dans ses bras et lui demande pardon. Puis, il ordonne le moulage de son buste et en fait faire une statue de bronze. Je n'ai pas vu Danton depuis la mort de sa femme il y a plusieurs semaines. Il doit surmonter sa peine et se remettre au travail. La France a besoin de lui. Malgré les divergences d'opinion, la classe politique lui affiche son soutien. En premier lieu, ses amis comme Robespierre, qui lui a écrit une belle lettre. Si, dans les seuls malheurs qui peuvent ébranler une âme telle que la tienne, la certitude d'avoir un ami tendre et dévoué peut offrir quelques consolations, je te la présente. Je t'aime plus que jamais, et jusqu'à la mort. Pleurons ensemble nos amis, et faisons bien ressentir les effets de notre douleur profonde aux tyrans qui sont les auteurs de nos malheurs publics et de nos malheurs privés. Pendant ce temps, en ce début d'année 1793, les Girondins sont affaiblis par la démission du ministre Roland, suspecté de trahison. Les montagnards en profitent pour attaquer. Hébert, comme à son habitude, ne fait pas dans la nuance. Les ambitieux seront toujours ambitieux. Les fripons seront toujours fripons. Ce n'est pas en un jour que l'on change le cœur d'un homme. Je vois toujours les mêmes hommes régler les destinées de la République. L'intrigue domine, comme dans l'ancien gouvernement. Rien n'a changé, si ce n'est la situation du peuple, dont les malheurs vont toujours croissant. Il est temps de s'occuper du bonheur public. Il est temps que les intrigants rentrent dans le néant. Il faut les exterminer. Le citoyen Hébert a raison. Le salut du peuple exige de grands moyens. Soyons terribles et organisons un tribunal afin que le peuple sache que le glaive de la liberté pèse sur la tête de tous ses ennemis. Je demande que, séance tenante, le tribunal révolutionnaire soit organisé et que le pouvoir exécutif reçoive les moyens d'action et d'énergie qui lui sont nécessaires. Comment te sens-tu ? Revigoré. Tu as vu, si Robespierre porte les stocades, ce soir l'Assemblée vote pour un tribunal révolutionnaire. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Les Girondins perdent tout crédit. On va purger la France de toute cette vermine. Oui, tout cela me réjouit, mais je ne t'ai point vu depuis ton retour. Je voulais te dire mon amitié dans l'épreuve que tu traverses. Oui, cela me touche, mon cher Camille, mais je vais bien. T'ai-je parlé de la douce Louise ? Louise, votre jeune nourrice ? Oui. Pour son âge, cette petite a une tête bien pleine et bien faite. Sans elle, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Et les enfants l'adorent. Certes. Je crois que je vais l'emmener quelques jours à la campagne. Comment peut-on oublier si vite son veuvage ? Surtout après de telles effusions au moment de la mort de Gabriel. Les mœurs veulent que le badinage soit la coutume dans nos sociétés. et je n'ai jamais apprécié Danton et son comportement avec les femmes. D'autres compagnons de Camille m'ont même fait des avances dans son dos. Quel ami se comporte de la sorte ? Maintenant que les montagnards sont aux portes du pouvoir, quelle valeur aura leur amitié ? À partir de mars 1793, un tribunal révolutionnaire juge et exécute en masse ceux qu'il appelle les ennemis de la nation. Les Girondins tiennent toujours le gouvernement et tentent de contenir la terreur que veulent imposer les montagnards. Le 24 mai, ils font arrêter Hébert pour trahison. Mais la situation se retourne contre eux suite à une insurrection. En juin, Hébert est libéré par les sans-culottes et les chefs girondins sont arrêtés. Les montagnards prennent le pouvoir. Je suis désolé, Camille, de ne pas t'avoir invité au mariage. Mais on a fait ça en tout petit comité. Non, je suis pas vexé, mais tu crois pas que c'est un peu tôt ? Je l'aime. Tu devrais te réjouir pour moi. Danton, deux autres députés girondins ont réussi à s'échapper. Il faut que tu réagisses. Je suis député, je ne peux pas empêcher la corruption des gardes. Ces anciens députés ont encore beaucoup d'entre-gens. Ils sont nombreux à s'évader. C'est à croire que leur entre-gens atteint jusqu'au comité de salut public. N'insinue rien. Ce n'est pas en persécutant tous ceux qui ne pensent pas comme nous que nous obtiendrons la confiance du peuple. Maintenant, si tu veux vraiment prendre la tête du comité, alors vas-y. Je te laisse la place. Et je suis sérieux, Maximilien. Je prends note de ta proposition. Je vais prendre un peu de distance. Je ne supporte plus ces accusations sur ma moralité. Justement, c'est maintenant qu'il faut défendre nos idées. Si nous ne le faisons pas, il n'y aura personne pour tempérer Robespierre et ce fou d'Hébert. Je pense avoir bien mérité un voyage de noces. Le pays est ingouvernable. Laissons-les faire. Je reviendrai en sauveur de la patrie. Quant à toi, si tu veux te faire entendre, pourquoi ne relances-tu pas ton journal ? Fin juillet 1793, Robespierre et ses amis prennent la tête du comité de salut public qui gouverne la France. La situation est critique. En plus d'une monnaie dépréciée, le pays est attaqué à l'extérieur par les armées des rois européens et à l'intérieur par les rebelles girondins et ceux de Vendée. Le 13 juillet, Marat, figure populaire des montagnards, est assassiné par Charlotte Corday. En retour, le comité de salut public accroît la répression. Le tribunal révolutionnaire fait exécuter jusqu'à 60 personnes par jour et des lois exceptionnelles sont votées pour restreindre les libertés individuelles. Tiens. Bonjour. Bonjour, Hébert. Bonjour. Vous permettez ? Installez-vous. J'ai presque terminé. Il n'y a plus de place nulle part. Ces petits restaurants poussent comme des champignons dans Paris. Mais on y retrouve toujours des visages connus. Finissez tranquillement. Vous devriez goûter les fraises. Elles sont délicieuses. Et elles sont aux couleurs de la Révolution. Rouge comme le sang. Vous êtes débordé au point de travailler en mangeant ? Les traîtres à la Révolution ne nous laissent aucun répit. Je dois présenter une nouvelle liste de scélérats tout à l'heure au club des Jacobins. J'aurai le plaisir de vous y entendre. J'espère juste ne point y figurer. Non, ne craignez rien. Enfin, si je peux juste me permettre un conseil, vous devriez arrêter de défendre publiquement ce traître de Dillon. Il serait dommageable que votre réputation jusqu'ici immaculée soit associée à ce triste personnage. Sur ce, bon appétit. Je n'en crois pas mes oreilles. Il me menace. Je me suis déjà expliqué de mon amitié pour le général Dillon aujourd'hui en disgrâce. J'ai publié une lettre pour prendre sa défense. Je n'ose croire que cela puisse nuire à ma réputation. Ne t'inquiète pas. Ils n'oseront point s'attaquer aux héros de juillet 1789. Mais les gens ont ri quand j'ai dit que Dillon n'est ni royaliste, ni aristocrate, ni républicain. Avoue que la formule n'est pas heureuse. J'ai pas les talents d'orateur de Danton. Je suis meilleur avec la plume. Danton a raison. Je vais refaire un journal. Si tu le souhaites. Mais assure-toi des bons soutiens. En reprenant la plume, tu seras de nouveau une cible de choix. La mort de Marat me revient constamment en tête. À quelques rues de chez nous, sauvagement poignardé. Avant de mourir, il ne se montrait guère plus en public et ne s'exprimait que dans son journal. je renferme en mon cœur cette angoisse et me garderai d'en parler à Camille pour ne pas attirer le malheur. Fin 1793, Camille lance Le Vieux Cordelier, un journal qu'il rédige seul. Malgré le climat délétère, il critique et exprime librement ses opinions. Le comité de salut public croit que pour établir la République, il a besoin de la jurisprudence des despotes. Il a pensé, comme Machiavel, que la belle cause efface les petites fautes. Il a donc volé pendant quelque temps la statue de la liberté. Mais ne risque-t-on pas de confondre ce voile avec le manteau de la contre-révolution ? Camille Desmoulins, dans les premiers temps de la Révolution, a rendu de grands services. Et vous avez pardonné ses inconséquences. Depuis qu'il a épousé une femme riche, il n'a plus vécu qu'avec les aristocrates, dont il a été souvent le protecteur. Désormais, il s'évertue à tourner en ridicule les patriotes dans son journal Le Vieux Cordelier. Je demande que la commission examine les trois derniers numéros du Vieux Cordelier et statue pour son interdiction. Hébert, peut-être à titre d'écrivain et de bel esprit, prétend mettre en balance nos réputations. Mais il n'y a rien de plus ordurier que son journal Le Père Duchesne. J'ai ici même les preuves qu'il a joué de son influence pour le vendre à nos armées. Pas plus tard que le 2 juin, Hébert a mis la main dans le sac et touché 133 000 livres, payés par la Trésorerie nationale pour un tirage qui n'en valait pas le dixième. C'est à se demander si ses amis au Trésor sont de si piètres comptables ou s'ils sont trop généreux avec l'argent de la République. Par la plus belle astuce, les rôles sont changés. Et de dénoncer, l'accusé est devenu dénonciateur. Justice, Jacobin, justice! Je suis accusé, dans un journal paru aujourd'hui, d'être un spoliateur de la fortune publique. Alors que dans ce même numéro, Camille Desmoulins, puisque c'est de lui qu'il s'agit, continue de prôner la clémence pour les aristocrates et les ennemis de la République. J'ai connu Camille au collège. Camille a développé depuis l'amour le plus ardent pour la République. Desmoulins, le premier de tous, a prêché au Palais Royal le patriotisme, un pistolet à la main. Il a rendu de grands services à la Révolution. Sa plume, énergique, peut encore la servir, utilement. Mais il faut en effet qu'il choisisse mieux ses amis et qu'il rompe tout pacte avec l'aristocratie. Camille, tu me mets dans une position très inconfortable. C'est Hébert, dont le soif de sang n'a d'égal que sa cupidité. Dans ton dernier numéro, tu réclames la clémence pour les prisonniers. Tu vas trop loin. Maximilien, tu sais comme moi qu'on enferme sur un mot déplacé. On exécute sans preuve les familles des traîtres déjà condamnées. Danton pense comme moi. Je me fiche de ce que pense Danton. Vous n'avez pas connaissance de tous les secrets. Au comité, nous savons que les Anglais recrutent ces mêmes prisonniers et s'abattront sur nous dès qu'ils le pourront. Alors je t'en conjure, calme tes humeurs. Tu ne sais pas de quoi tu parles. En décembre 1793, malgré les victoires militaires qui s'enchaînent, la terreur s'accroît toujours. Hébert s'attaque aux commerçants qu'il accuse de s'enrichir sur le dos du peuple et à l'Église en prônant carrément la déchristianisation de la France. Robespierre et Danton y sont opposés et c'est Camille Desmoulins qui va à l'affrontement avec son journal Le Vieux Cordelier. Je crois que la liberté, c'est la justice. Je ne demande pas comme Hébert qu'on égorge les enfants de Louis Capet ou que l'on pende les prêtres. Car je pense que la politique des peuples libres, c'est l'équité. Danton, il faut que tu prennes la parole pour défendre Le Vieux Cordelier, il risque de l'interdire. Camille, j'ai été le premier à te conseiller de reprendre la plume. Mais là, Robespierre a raison, il faut que tu te calmes un peu. Mais on ne peut pas transiger sur la liberté de la presse, c'est le fondement de notre engagement. Je préfère mourir que me museler. Ne dis point de bêtises, tu vas nous perdre tous les deux. Tu vois bien que mon retour n'a pas eu l'écho espéré. Nous sommes en position de faiblesse. Robespierre tient le comité et te laissera retrouver la place qui est la tienne. Jusqu'à présent, il nous soutient contre les hébertistes. Mais il est très pris par la politique générale. Ce n'est pas le moment de prêter le flanc à leurs attaques. Danton bat en retraite. Quelle surprise! Tout allait pour le mieux tant que le journal de Camille propageait ses idées et servait sa carrière. Mais quand Camille dénonce les compromissions et les trahisons de l'idéal républicain, Danton ne montre que lâcheté et rien du courage sur lequel il a construit son image d'homme public. Hébert ose même s'attaquer à Danton désormais. Je dois sortir au plus vite le nouveau numéro du vieux cordelier. Peut-être est-il judicieux d'attendre que la justice s'occupe de lui. Non, justement, j'ai de nouvelles preuves pour étayer mes accusations de corruption. Et puis, j'ai des détails croustillants sur sa femme. Lui, l'anticlérical, est marié à une ancienne bonne sœur. Camille. Oh mon Camille. Que ce duel mythologique ne t'aveugle pas. Hébert n'est pas ta némésis, mais un vulgaire coquin qui ne mérite pas l'encre que tu lui consacres. Ouvre les yeux avant que ce pourceau ne t'entraîne avec lui dans sa fange. Camille Desmoulins n'aura pas le loisir de sortir le numéro 7 du vieux cordelier. À la grande surprise de Camille et de Lucille, Hébert et ses partisans sont arrêtés le 4 mars 1794. Ils venaient de lancer un appel à l'insurrection. Hébert mérite bien son surnom d'exagéré. La raison triomphe enfin. L'air de Paris va redevenir respirable. Hébert est exécuté le 24 mars. Mais la surprise générale, quelques jours plus tard, le 31, c'est au tour de Danton et de Desmoulins d'être arrêtés, victimes d'une manœuvre politique. Robespierre sacrifie les extrémistes hébertistes et les indulgents dantonistes pour consolider son pouvoir. On ne peut imaginer ce que c'est que d'être au secret sans en connaître la raison, sans avoir été interrogé, sans recevoir un seul journal. C'est vivre et être mort à la fois. C'est n'exister que pour sentir qu'on est dans un cercueil. On dit que l'innocence est calme, courageuse. Mais mon innocence est faible, comme celle d'un mari ou d'un père. Après tout ce que j'ai fait pour la République, après avoir conservé ma pauvreté au milieu de la Révolution, c'est là le prix que je reçois de tant de sacrifices ? C'est moi que des hommes qui se disaient mes amis, qui se disent républicains, jettent dans un cachot, au secret, comme si j'étais un conspirateur ? Socrate but la ciguë, mais au moins, il voyait dans la prison ses amis et sa femme. On m'appelle. Sûrement les commissaires du tribunal révolutionnaire qui viennent pour m'interroger. Hier, il ne me fut fait que cette question. Si j'avais conspiré contre la République. Quelle dérision. Je vois le sort qui m'attend. Danton et Desmoulins sont accusés par le tribunal d'avoir voulu renverser le gouvernement au profit de la monarchie. De sa prison, Camille écrit à Lucille. Adieu Lucille, ma chère Lucille. Adieu Horace. Adieu mon père. Je sens fuir devant moi le rivage de la vie. Je vois encore Lucille. Je la vois, ma bien-aimée, ma Lucille. Mes mains liées t'embrassent. Et ma tête séparée repose encore sur toi, ses yeux mourants. Malgré la faiblesse de l'accusation, Danton et Desmoulins sont exécutés le 5 avril. Lucille, accusée d'avoir comploté pour faire libérer son mari et massacrer les membres du tribunal révolutionnaire, est arrêtée à son tour. Je viens de déchirer la lettre que je destinais à Robespierre. Elle est inutile. Je viens de découvrir qu'il a signé lui-même l'arrêté ordonnant notre arrestation. Ils sont venus me chercher et ont posé des scellés sur la maison. Maman a pris Horace avec elle. Je ne sais pas si on me laissera les revoir. Je n'ai plus personne. Malgré des chefs d'accusation mensongers et son anonymat sur la scène politique, Lucille Desmoulins est condamnée à mort. Le 13 avril 1794, elle monte sur l'échafaud. Avant de mourir, elle prend la veuve Hébert dans ses bras. Les femmes de ses deux adversaires sont devenues amies pendant leur incarcération. Malgré une lettre de la mère de Lucille implorant sa grâce, Robespierre laisse tous ses anciens amis être exécutés. Il assoit définitivement son pouvoir sur le comité de salut public et poursuit sa politique répressive qui ne s'arrêtera qu'avec son arrestation, le 9 Thermidor, le 27 juillet 1794. Robespierre et ses amis n'auront reculé devant aucune lâcheté. Répandre le sang d'une femme, à quelle bravoure! Mais le sang d'une femme a toujours été fatal au tyran. Je vais m'endormir dans le calme de l'innocence. Le cœur brisé de laisser mon petit Horace derrière moi. Mais consolé de te retrouver bientôt. Camille, mon bien-aimé. Camille et Lucille Desmoulins, un couple dans la Révolution, de Vincent Hazard, avec Camille Desmoulins, Bartholomé Boutelis, Lucille Desmoulins, Chloé Chaudois, Danton, Grégoire Beaujat, Robespierre, Quentin Faure, Gabriel Danton, Jeanne Brouet, Hébert, Pierre-Benoît Varoclier, Brutage, Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage, Valérie Lavalard et Antoine Diossa, assistant à la réalisation, Vivien Demeyer et Romane Chibane, réalisation, Cédric Ossir. Hervé Loers, Camille et Lucille Desmoulins sont donc condamnés à mort et guillotinés à une semaine d'intervalle, lui à 34 ans, elle à 24, laissant un petit garçon, Horace, orphelin de moins de 2 ans. Comment la Révolution peut-elle condamner à mort deux de ses plus fidèles acteurs, Camille et Lucille, révolutionnaires de la première heure ? Pour comprendre un événement comme celui-là, il faut sans doute se replonger dans ce printemps, ou plutôt cette fin d'hiver et ce début de printemps 1794. Le pays est un pays en guerre, bien évidemment, avec quasiment l'ensemble de l'Europe en lutte contre la France. On est aussi dans un moment d'incertitude politique terrible à l'intérieur même du pays, et en même temps dans un contexte culturel qui est très différent du nôtre. Si bien que les hommes qui s'affrontent et qui se déchirent en ce début d'année 1794, sont tous d'incontestables républicains, Hébert comme Desmoulins, comme Robespierre. Mais il y a cette volonté d'unifier le gouvernement autour d'une ligne politique qui est celle du comité de salut public. La volonté de la part de ce comité de salut public d'éliminer politiquement ceux qui veulent aller trop loin et ceux qui ne veulent, à son goût, pas aller suffisamment loin. D'où ces déchirements et ces envois à la guillotine. Si on n'est pas d'accord, c'est qu'on est un ennemi du peuple. C'est un peu comme ça que c'est vu, avec cette idée aussi, et là on entre un peu dans l'esprit des hommes de l'époque, cette idée que construire une république demande des sacrifices qui peuvent être immenses. Et les hommes de cette époque ont notamment en tête l'image du premier Brutus, l'un des fondateurs de la République romaine, qui a envoyé à la mort ses deux fils, parce que ses fils avaient comploté contre la République pour rétablir la monarchie. Et le lien entre Robespierre et Camille Desmoulins, qui se dénoue en ce début d'année 1794, il se dénoue pour Robespierre parce qu'il voit dans Camille un danger pour la République et qu'il accepte donc de renoncer à une amitié pour sauver cette République en laquelle il croit. Oui, c'est assez fou quand même, c'est son ami, il a été témoin à son mariage, et puis on a entendu aussi cette lettre très belle qu'il écrit à Danton quand sa femme meurt, il lui jure une amitié jusqu'à la mort, on a du mal à penser qu'il va signer l'arrestation, et donc quand on parle d'arrestation, il y a forcément condamnation à mort dans ce contexte de terreur. Mais si l'on regarde les liens entre ces hommes, jusqu'en janvier 1794, Robespierre a défendu à plusieurs reprises Danton et Camille Desmoulins. C'est à partir du mois de janvier qu'il cesse de les défendre et qu'il va accepter de signer, avec d'autres, du comité de salut public, mais aussi du comité de sûreté générale, l'ordre d'arrestation de ces hommes et d'autres encore. Camille Desmoulins avait voté pour la mort du roi, il avait contribué aussi à la mise en place de la terreur, il avait aussi accepté l'arrestation et l'exécution des Girondins, mais peut-être a-t-il trouvé que cette terreur allait trop loin. Dans son journal Le Vieux Cordelier, il n'y va pas de main morte sur la terreur, il dénonce tout ce sang versé, réclame une liberté complète de la presse. Est-ce qu'il meurt en martyr de la liberté d'expression, Camille Desmoulins ? Alors il aimerait qu'on le dise, effectivement, parce que dans le numéro qu'il n'a pas pu publier de son Vieux Cordelier, son dernier journal, il défend effectivement à un moment la liberté de la presse. Alors il défend cette liberté de manière assez ambiguë, puisqu'il fait dialoguer deux personnages qui sont finalement deux reflets de lui-même, le personnage qu'il a été au début de la Révolution, le personnage qu'il est maintenant. et le parcellage qu'il a été au début de la Révolution lui rappelle combien cette liberté de la presse, elle est essentielle et combien il est impossible d'y renoncer, même dans une période terrible comme celle que vit la République à ce moment-là. Et effectivement, c'est un peu le journaliste qui est condamné à mort. Ce que le tribunal révolutionnaire craint, c'est sa plume, bien évidemment. Il est trop lié à Danton pour être épargné par le tribunal révolutionnaire, parce qu'on sait que par l'écrit, il s'exprime d'une manière totalement libre, comme il l'a toujours fait. Et il est populaire pour ça. Et il est populaire, effectivement. Il a des lecteurs. Alors, des lecteurs qui l'abandonnent un petit peu à la fin de son journal, de son dernier journal, Le Vieux Cordelier. Mais c'est un homme qui, effectivement, a une plume, sait séduire, sait manier l'humour, et aussi très souvent ironique, mais a une très belle plume, et a ses lecteurs, et des lecteurs qui lui sont restés fidèles, pour une partie d'entre eux, tout au moins. Et Lucile, est-ce qu'elle est condamnée à mort et exécutée pour ses actes propres, ou parce qu'elle est l'épouse d'un condamné à mort, une sorte de victime collatérale ? Sans doute. Elle signe son interrogatoire « Femme Camille Desmoulins ». Et finalement, ça montre bien pourquoi elle est aussi, elle va être condamnée. Elle est condamnée avant tout comme l'épouse de Camille Desmoulins, de la même manière que la femme d'Hébert va être également condamnée. Alors on l'accuse d'avoir voulu organiser un complot des prisons, c'est-à-dire d'avoir voulu faire libérer son mari, Danton, d'avoir voulu également faire exécuter les membres du comité de salut public, mais tout cela ne tient pas. Elle est donc arrêtée, jugée, condamnée pour ce complot des prisons. D'autres femmes de conventionnelles ne vont pas avoir le même sort. C'est le cas de la jeune femme de Danton, qui, elle, n'est pas inquiétée par la justice. On pense forcément à ce que disait Olympe de Gouges, autre grande femme de la Révolution qui, elle, finira sur l'échafaud. Elle écrit « La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune ». Peut-être Lucile n'avait pas cette ambition de monter à la tribune, mais en tout cas, on lui a donné le droit de monter sur l'échafaud. Oui, c'est certain. Alors, c'est sûr que Lucile Desmoulins, elle aussi, souhaitait davantage de droits pour les femmes. Alors, elle ne le demandait pas de la même manière qu'Olympe de Gouges et n'allait pas aussi loin dans ses revendications. Reste qu'elle est citoyenne et elle meurt, effectivement, en citoyenne en 1794. Quelle sera la postérité du couple Desmoulins ? On sait que 18 mois après leur mort, ils seront réhabilités par l'Assemblée, mais au-delà de cette réhabilitation, est-ce que les textes de Camille Desmoulins sont toujours d'actualité, ou en tout cas lisibles pour nous aujourd'hui ? Il y a une actualité, incontestablement, des textes de Camille Desmoulins. Alors, tous n'ont pas été réédités, et parfois ils ont été mal réédités, malheureusement. C'est le cas notamment de son Vieux Cordelier. Reste que toute une série d'idées politiques qu'il développe, sa conception de la République, qui est beaucoup plus démocratique que la nôtre, beaucoup plus exigeante que la nôtre. Pourquoi ? Parce qu'il considère que la démocratie doit se rapprocher un peu de la démocratie pure, telle qu'a pu la connaître notamment la Grèce antique, c'est-à-dire une démocratie. Il dit à un moment que dans une démocratie, on ne peut pas permettre seulement aux gens de s'exprimer par des scrutins et entre les deux faire ce que l'on veut. Il considère, comme Rousseau, que la souveraineté ne se délègue pas, que le peuple doit toujours en être dépositaire, qu'il doit pouvoir débattre de la politique, qu'il doit aussi pouvoir éventuellement démettre un député qui n'a pas rempli sa mission, y compris entre deux mandats. Donc une définition très exigeante de cette démocratie. Et en deux mots, que va devenir le petit Horace Desmoulins ? Le petit Horace va grandir, élevé par sa grand-mère, mais ensuite il ne sera intéressé ni par le droit, ni par le journalisme. Il voudra faire du commerce et va aller s'installer à Haïti, où il va mourir assez jeune encore, à peu près au même âge que son père, dans les 30 et quelques années. Dans le tumulte de la Révolution française, poursuivez l'écoute de la série avec l'épisode 4, Olympe de Gouges, une femme en politique.